Bonjour Paulin. Bonjour Serena. Alors, est-ce que tu préfères être la tête d'affiche dans des pires films de l'histoire du cinéma ou est-ce que tu préfères voir ces pires films de l'histoire du cinéma tous les jours de ta vie pour le reste de ta vie? Waouh, c'est chaud. Je pense que je préfère être la tête d'affiche. Bah, au pire, c'est passé. Et je l'assumerai. Tant ah ouais? Ouais, je l'assumerai. Non, mais tous les jours de. Non, non, non, ça fait trop long. Bon, est-ce que tu préfères Tom Cruise quand même? Je préfère regarder Tom Cruise le reste de ma vie. I feel the need for speed. I want the truth! First, take a big step back and literally fuck your own face! All I'm saying is I want to be treated like a human being! Respect the cock! I'm a Vietnam veteran! Mega Man does what he can. I love you. Until his destiny is revealed. You? Last chance to walk away. Bonjour et bienvenue sur Cruise Control, le podcast qui vous prouve que Tom Cruise est la dernière star d'Hollywood. Trop bien fait. C'est bluffant. Pour ce faire, nous regardons toutes les deux semaines un film de Tom Cruise. Nous nous retrouvons, nous l'analysons et nous vous expliquons pourquoi Tom Cruise il est tellement incroyable, magnifique, génialissime, immortel. Aujourd'hui, on continue avec nos épisodes spéciaux. Nous sommes au deuxième. C'est un petit diptyque à la fin des années 90. Donc, on a fait deux saisons. Ça, c'est notre deuxième épisode spécial autour de la scientologie, je dirais. Oui, c'est ça, ouais, de la galaxie scientologue. Voilà. Aujourd'hui, un épisode un peu plus rigolo que celui d'il y a deux semaines. Nous allons analyser les films Battlefield Heart. Terre, champ de bataille. Voilà, terre, champ de bataille. Un film sorti en 2000. Par les réalisateurs Roger Christian, tiré d'un bouquin de L. Ron Hubbard, donc le chef, le fondateur de la religion, qui s'appelle Terre, champ de bataille, Battlefield Heart, qui est sorti fait chier sur le titre. En 1982. Un film où Tom Cruise ne joue pas. Oh, c'est pas plus mal. Déception. C'est pas plus mal. c'est mieux comme ça. Mais voilà, qu'on avait envie de traiter parce que voilà, c'est très intéressant. Ouais, c'était faire une partie sur la scientologie, mais un peu moins triste et moins. Ouais, plus rigolo. Eh bien, la question, comme d'habitude, Paulin, est-ce que tu avais déjà vu les films? Et sinon, est-ce que tu avais envie de le voir? Alors, non, je n'avais pas vu. J'avais vu les extraits, qui sont connus quand même, notamment avec John Travolta. Et j'avais très envie de le voir parce que j'adore ce genre de film un peu mauvais. Et surtout parce que savoir vraiment à quel point c'est un mauvais film, quoi. Donc je savais que ça allait être pas bon, donc j'étais pas très surpris. Mais voilà. Ouais. Et toi? Eh bien, moi non plus, je l'avais pas vu. Et en plus, j'avais pas tant vu d'extrait que ça. Je pense que j'avais vu juste l'image de John Travolta. Voilà, classique. Avec les dreadlocks. Voilà, un peu bizarre. J'avais pas très envie de le voir. À chaque fois, j'étais là, oh non, cette bouse. Parce que tout le monde sait que c'est une bouse. Oui. Mais voilà. Et puis, je l'ai vu. Bon, ben, puisqu'on a inversé les rôles, c'est peut-être le moment de faire un résumé. Vas-y, oui, Paulin. Oui, je fais un résumé comme toi. Hein, où je fais un résumé ou je résume pas. En fait, je fais tout le film. Fais tous les films. Dingo. Là, ça vaut les coups. Ouais, et puis c'est cool, ça va vous éviter de le regarder. Comme ça, vous pourrez frimer, faire, oui, tu sais, le moment où il fait. Oui, voilà. Ben, on vous l'explique. Alors, ça démarre, comme tous les mauvais films, ça démarre par un truc qui déroule avec un texte qui t'explique le film. C'est toujours quand tu sais pas comment le réaliser, c'est bien, tu vois, ça t'évite de te faire chier à filmer des trucs pour expliquer quelque chose. L'écriture en vert. Tu l'écris comme l'écriture en vert Matrix, dégueulasse. Donc on est en l'an 3000. La Terre est dévastée. C'est la cata. Elle est envahie par les Psyclos. C'est qui ces Psyclos? Ce sont des extraterrestres qui viennent de la planète Psyclo. Donc ils ont le même nom que leur planète et qui sont venus sur Terre envahir la Terre pour piller les ressources. Et ça, ils l'ont fait ça en 2000. Donc ça fait 1000 ans qu'ils sont sur Terre. Et là, on est dans un village avec des humains qui sont un petit peu en peau de bête, en mode homme des cavernes. Oui, un peu primitif. Très primitif, mais qui parlent très bien anglais. Ça, c'est quand même c'est hyper pratique pour la suite, pour qu'on comprenne, quoi. Sinon. Et ils sont donc devant une porte, etc. Machin, bon, peu importe, on s'en fout. Et arrive notre héros, Johnny Goodboy Tyler, qui est à cheval et qui rentre dans ce petit village. Il apprend par sa meuf, a priori, que son père est mort. Donc il est hyper triste. Et il va faire une petite stèle et puis il va crier « Non !» en regardant le ciel. Donc déjà, ça démarre, tu te dis « Bon, ça fait peut-être beaucoup d'un coup, mais pourquoi pas ?» Il est triste et le soir, il y a une petite veillée funèbre ou je sais pas quoi. Enfin, il parle et puis lui, il dit « Non, mais il faut qu'on se révolte, c'est plus possible, machin, nanana. Mais... » Il faut y aller. Et il y a le chaman du village qui dit « Non, mais il y a des démons dehors !» Je vous passe tous les effets de spéciaux absolument horribles, mais il y a des démons, etc. Bon, mais ouais, Johnny, il dit « Non, moi, je m'en fous, j'y vais, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on mange, il faut qu'on... » On arrête d'être opprimé par les cyclos. D'être juste des hommes des cavernes. Ouais. Encore eux, non, ils connaissent même pas. Ils savent même pas ce que c'est les cyclos. Oui, ils sont juste dans la merde. Et donc, il part avec son cheval. Et là, il tombe sur un démon. En fait, il y a une énorme tête de dragon, je sais pas quoi, il se bat avec. Et en fait, il s'avère que c'est une statue dans un mini-golf. Ouais. Donc, c'est trop drôle, ça. Il y a un plan qui recule et on voit qu'en fait, il est sur un parcours de mini-golf et il se bat avec une statue en stuc. Et il va tomber sur deux mecs qui sont là pour chasser et qui font des cris de singes, en fait. c'est cata. Une espèce de faux remake raté de la planète des singes. Et qui lui explique qu'ils vont lui montrer... Il dit « Mais non, mais viens, on va te montrer les dieux. » Il dit « Non, je ne crois pas en Dieu, je ne crois qu'en ce que je vois. » Bon, ok, on va te les montrer. Et ils vont se balader, nanana. Et ils vont arriver dans une ville, une énorme ville à l'abandon. En effet spéciaux très, très raté. Mais une ville de nos jours, oui, disons voilà. Des années 90. Une ville des années 2000, mais avec du lierre partout, des plantes, etc. Et ils vont lui montrer les dieux, qui sont en fait juste des statues. Ouais. Donc déjà, ça retombe, c'est pour montrer un peu tous les enjeux, retombe toujours très rapidement à plat. Oui. Donc là, c'est bon, ok. Ils vont se faire une petite soirée pour manger. Ils vont faire brûler un petit sapin en plastique dans un centre commercial. Johnny, au passage, se mange une vitre parce qu'il sait pas ce que c'est une vitre, alors que la vitre est sale, donc il l'aurait vu. Bon, c'est pour nous montrer qu'il connaît vraiment pas. C'est très très fin, très subtil. Pendant qu'ils sont en train de manger tout ça, machin, il y a tout d'un coup un tir laser qui arrive, qui explose à côté d'eux, et là, c'est la panique à bord, ils courent dans tous les sens, ils se font poursuivre par, a priori, donc des cyclos qui vont les chasser, avec une espèce de scène où il y a ralenti tout le long, ambiance verte dégueulasse. Elle change d'un coup. Oui, elle change tout, enfin, de plan sur plan, t'as un ralenti, changement de couleur, etc., pour une espèce de fausse scène de Blade Runner ratée. Oui. Donc ces humains sont capturés parce qu'ils ont été touchés par les lasers, machin. Bon, on s'en fout un peu. Ouais. Ils sont capturés, ils sont mis dans une cage dans un petit avion des Psyclos. Ils se réveillent, bouga bouga, on se sortir de là. Ils arrivent donc dans la base des Psyclos sur Terre et avant qu'ils sortent du vaisseau, on leur met une pince à linge sur le nez pour qu'ils puissent respirer l'air. L'air ici. Donc, bizarre. Voilà. Donc on comprend vaguement que l'air dans la ville des Psyclos, c'est pas le même air que sur Terre. Bon. Donc, voilà. Mais ça leur fait un look super drôle avec une espèce de pince comme. Il y a un critique, il y a quelqu'un qui a dit que ça semblait comme s'ils avaient mis des oreilles. Oui, des écouteurs d'oreilles dans les nez. Oui. C'est vrai que ça. T'as les fils qui pendent. Tous les longs du fils. Bref. Ok, super. Là, on a notre héros, Johnny Goodboy, donc incarné par Barry Pepper, qui essaye de s'évader et qui, par un heureux hasard, se retrouve avec un flingue de Psyclo et qui tire et il tue un des Psyclo. Oui, tout de suite. Tout de suite, comme ça, bim, bam, boum. Ok, bon. Petit cut. On a le représentant de la planète Psyclo qui arrive sur Terre et qui va voir le chef de la sécurité pour faire le rapport, pour voir comment ça se passe, etc. Le chef de la sécurité... C'est notre ami John Travolta. Il s'appelle Turl. Et il a son bras droit qui est interprété par Forest Whitaker et qui s'appelle Kerr. Donc Turl et Kerr, pardon. C'est pas facile à dire. Ils sont là. Le représentant de la planète Psyclo, il lui explique qu'il va rester sur Terre encore plus longtemps. Ouais. Parce que, en gros, c'est une punition qu'il soit sur Terre. parce qu'a priori c'est un mec, le John Travolta, c'est un mec brillant qui a réussi toutes les études, etc. Sauf qu'apparemment il aurait fait une connerie avec une fille de sénateur, ouais, qui fait que sa punition quoi. C'est d'être sur Terre ad vitam. Donc Turl il est dégoûté. Donc il a les boules, donc il va picoler. Les humains, ils sont tous dans une grande cage avec tous les humains dedans, hein, en mode planète des singes. Et c'est le moment de se nourrir. Donc on leur jette du guacamole. Enfin, c'est vrai, c'est un que truc, c'est ça, ça ressemble à du guacamole, mais raté, tu vois. Genre, le guacamole que t'as laissé dans le frigo, ouais. Donc en grande quantité. Et là, il y en a un qui arrive, qui fait un peu genre, c'est le singe puissant. Mais alpha, les mal alpha. Et qui vient, qui fait, non, c'est moi qui mange d'abord, et après, vous vous démerdez. Et notre ami Johnny Goodboy, il aime pas trop ça, lui. Il aime bien le partage, il aime bien, il a des valeurs à fond, quoi. Oui. Du coup, il va se battre avec lui, et puis au final, une fois qu'il l'a battu, il va faire, non, maintenant, on mange tous ensemble. Et il donne à manger à son ennemi d'un jour. C'est magnifique, c'est là que tu vois que la construction du personnage, ça commence à être un peu le Jésus local et le héros qu'on attendait tous. Tout le monde prend la nourriture de sa main, en plus c'est trop dégueu. Ah ouais, c'est vraiment genre, Jésus. C'est vraiment... Mais bon, c'est caca. C'est trop moche avec les guacamoles. Oui, c'est caca. Pâle. Ensuite, on se retrouve dans les bureaux de Turl et Cœur. Je sais pas quoi. Bon, bref, oui. Nos deux amis Psycho, donc on va dire Forrest et Johnny. Oui, c'est plus simple. Et John, parce que Johnny c'est l'autre héros. Et en fait, Turl, il découvre que Cœur, il lui a caché une information qui ce serait un nouveau gisement d'or qui aurait été découvert et qu'il faudrait aller faire. Et du coup, il dit ah, mais tu l'as mis de côté parce que tu t'es dit que si moi je pars, tu récupères mon poste et du coup tu te fais bien voir parce que t'as trouvé un gisement. T'essayerais pas de me la foutre à l'envers un petit peu. Et donc Cœur, il fait non, c'est vraiment, je me suis trompé, j'ai oublié, machin. Bon, bref, ça c'est moisi. Enfin, c'est pas le seul truc moisi, mais entre autres. Et on apprend aussi que, a priori, le truc le plus important pour les Cyclos, c'est l'or. Ouais. Bon, ok. Ils cherchent des mines de minéraux et d'or. L'or, c'est le top, apparemment. Ouais. Donc, bon, après, c'est facile, c'est pratique parce qu'il y en a sur Terre. Donc, au moins, ça permet de garder le film sur Terre. Sinon, il aurait fallu aller ailleurs. Oui. Donc, il trouve un truc, etc. Et Turl met la pression à Cœur. Oui. Il a son plan, c'est d'envoyer parce que cette mine d'or, elle est dans un endroit très radioactif et les Psycho, la radioactivité, ils aiment pas. Ça leur va pas autant. Du coup, alors que les humains, c'est pas très grave, les humains on s'en fout un peu. Donc il se dit, on va monter une équipe avec des humains pour qu'ils aillent miner l'or à notre place et qu'on les récupère pour ça. Donc, je dis bon bah c'est pratique, des humains on en a plein, c'est un peu les esclaves locaux. Parce que d'habitude, de ce qu'on comprend, c'est que il y a des travailleurs quand même Psycho aussi, qui sont payés. Ils n'ont pas l'argent pour payer les Psycho. Oui, du coup, ils disent, on utilise les esclaves, les humains. Les mains, les animaux humains. Les animaux humains, oui. Voilà. Ça, c'est cata. Mais oui, parce qu'en plus, je pense que les Psycho sont syndiqués. Du coup, Tu ne peux pas les envoyer comme ça dans une zone radioactive. C'est très compliqué. Mais après, ça a l'air d'être bien foutu, cette société, j'ai l'impression. Ouais. Ok, bon, super. Plan d'après, du coup, on apprend que les humains... Ah oui, parce que les mecs, ils disent, ouais, mais les humains, ils ne savent pas miner l'or. Et le plan, juste après, on voit des mecs en train de sortir des minerais d'une mine. Mais ça, et c'est des humains. Mais bon, pourquoi pas. Donc, pendant ce temps-là, Johnny, avec tous ses amis humains, ils sont enchaînés et ils sortent dans la cour. Et par un heureux hasard d'un accident d'avion ou je sais pas quoi, ils arrivent à s'échapper. Donc, il court avec son collègue qui fait « cours !» au ralenti. Donc là, ralenti, il court, ralenti, ça tire, il court, il ralentit, machin, nanana. Il s'échappe. Pendant ce temps-là, il se fait choper par les Psycho, qui lui enlèvent sa pince à linge. Et ils font des paris en disant « Ah, je te parie qu'il ne tiendra pas 4 minutes sans respirer. Ouais. » Et il se barre, machin, donc il est sous le gros dôme des Psycho, et il se casse, il essaye de récupérer de l'oxygène pour s'en sortir. Petit point intéressant, il traverse une fonderie où il y a des feux un peu partout. Bon, comment est-ce que peut y avoir du feu sans oxygène? Ça, c'est une question dont on n'aura jamais la réponse. Mais question. Bon, voilà, c'est une des questions que tu te poses régulièrement pendant le film. Tu fais ah oui tiens, bon c'est pas grave. Soit. N'y fais pas tôt. Non mais c'est la licence poétique. Oui, allons-y, voilà. la suspension d'incrédulité. Bref, on s'en fout. Il se barre, bim bam boum, course poursuite. Pendant ce temps-là, on voit que Turl, il piège son collègue Cœur, dont il doute un peu de la loyauté, pour qu'en gros, il ne le balance pas, quoi, parce qu'il lui a donné son plan d'envoyer les humains à la mine, etc. Donc pour ne pas le balancer, il le piège en l'enregistrant, etc., pour faire croire que c'est Kirk qui a le plan. Parce qu'en fait, ils ont des caméras de partout et oui. Tu peux activer. Et du coup, il fait parler Kirk qui l'avoue le plan. Oui, qui avoue le plan, comme si c'était lui qui l'inventait. En plus, ils veulent garder l'or pour eux. Oui, c'est ça. À la fin, ils veulent pas l'envoyer. Ils envoient les humains pour sortir l'or pour pouvoir les garder eux et pas l'envoyer à la maison, à la planète maison là. C'est ça. Sauf et les chefs et John Travolta. John Travolta, il revient avec l'or et comme ça, il peut se racheter un peu là-bas. Là-bas, bof. Du coup, il a un registre. Oui, ça c'est important quand même de noter qu'il y a des caméras partout, tout le temps. On peut tout surveiller. C'est bien. Jusqu'au moment où on n'aura plus trop besoin, où scénaristiquement ça nous emmerde et ça n'existera plus. Mais vous inquiétez pas, on y arrive. On revient sur la course-poursuite où Johnny se retrouve acculé dans un tunnel et se poursuivi par deux psychos qui se font tuer par Turl. Qui en fait en regardant dans les images et s'est dit tiens mais il a l'air intelligent cet humain, ça pourrait être avec lui, on pourrait s'en sortir. Donc il tue les deux gardes psychos pour récupérer notre ami Johnny Goodboy et se dire bon bah on va se servir de lui et de son groupe d'humains pour les envoyer à la mine de gisement. Et donc pour les tester, il les libère en se disant plan machiavélique absolument merveilleux, il se dit il faut qu'on trouve un moyen de pression pour eux. On n'a qu'à les avoir par la bouffe. Mais qu'est-ce qu'ils mangent les humains animaux, les animaux humains? Donc on va les libérer et le premier truc qu'ils vont manger, ça va être, parce que c'est le truc qu'ils mangent absolument, sauf que les mecs ils galèrent, ils sont dans le froid tout ça là, et ils trouvent que des rats, donc ils se jettent sur les rats pour les manger. Donc John Travolta et Forest Whitaker, ils disent mais c'est ça, ils adorent les rats crus, donc on va les appâter avec des rats crus. C'est vraiment le scénario, hein. Oui, c'est pas, on n'invente pas. Il y a toute une scène là dessous, c'est ça, qui dure longtemps, même qui dure très longtemps. Au milieu de ça, John Travolta se cogne sur une poutre. C'est trop drôle. C'est ça. Très très bizarre. Tout d'un coup, il y a un truc complètement absurde, mais qui va nous servir parce qu'en gros, il va falloir réparer cette poutre. Ouais. Au final, bon, les fugitifs sont récupérés. Hein. Notre ami Johnny Goodboy et ses deux collègues, donc il y a Carlo et je sais plus l'autre, je sais plus son nom. Bref, ils sont rattrapés. Et ils sont en travaux forcés, du coup, dans le bureau de Curl pour réparer cette poutre qui s'est mangée 2 minutes avant. C'est complètement con. Johnny, lui, il travaille pas, il surveille un petit peu tout parce qu'il est très curieux. Tu vois, on sent que c'est un humain très très intelligent et très curieux. Ouais. Et Turl le chope et lui l'emmène dans une machine pour apprendre. Et en gros, il le met dedans et dit je vais tout apprendre, tu vas connaître tout, tu vas pouvoir parler la langue des psychos. Il s'avère c'est l'anglais, donc c'est pratique aussi. En fait, ils ont la même langue. Mais en plus, il lui explique tout ça en parlant la langue des aliens qu'il ne devrait pas comprendre, mais qu'il comprend quand même. C'est trop bizarre. Non, mais il va tout apprendre, tout apprendre sur ça pour pouvoir parler, communiquer. Ouais. Et donc, en fait, il veut lui apprendre ça pour qu'il puisse aller récupérer les gisements d'or. Donc, il le met devant un écran, en gros. Oui, c'est un écran avec un espèce de flux d'informations qui va dans son cerveau. Dans ses yeux, avec un effet dans ses yeux, et voilà. Et, visuel. Il y a ses collègues qui veulent l'enlever en disant « Attention, c'est dangereux !» Et Johnny, il fait « Non, j'apprends plein de choses, je veux retourner apprendre !» Peut-être que c'est le ministère d'éducation, ça peut faire une bonne pub, je sais pas. Et Turl, il va l'emmener notamment à la bibliothèque du coin, à la bibliothèque de Denver, parce qu'ils sont à Denver, dans le Colorado. Et il l'amène à la bibliothèque, il dit « Regarde !» Et il lui explique l'invasion de la Terre. Il dit bah voilà, là là tu vas trouver toutes les informations sur ce que c'était la Terre avant qu'on arrive. Nous on est arrivé en 2000 et en 9 minutes on a tout défoncé et on a conquis la Terre quoi. Et Johnny il est là, oh là là, c'est fou, et il tombe sur la Déclaration d'indépendance des États-Unis et là, tu sens la révélation quand même pour lui, il se dit c'est important l'indépendance. De retour dans le bureau entre nos amis les humains et Johnny Goodboy qui met en pratique son intelligence et il fouille un petit peu partout et il trouve un code pour ouvrir la chambre secrète de Turl. Il essaye le code, ça marche pas. Mais peut-être je vais l'essayer à l'envers. Donc il fait le code à l'envers et ça marche. Ok, fin du suspense. Ils ouvrent et il y a des armes, tout ça. Donc là, ils se disent, on a des armes et tout. Il commence un peu à l'esprit de rébellion qui se réveille. Et aussi la vidéo. Ils ont la vidéo à ce moment, non aussi. Eh oui, la vidéo de surveillance de Kerr. Oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait une histoire, un film narratif à suivre. Alambiqué. Et que, non, mais ceci dit, ça peut expliquer des choses. Bref. Et là, du coup, on se retrouve au moment où notre ami John Travolta, donc Turl, va expliquer aux humains ce qu'ils vont devoir faire. Oui. À savoir aller miner du truc, etc. Et il met un gros coup de pression. Il tire, il dit attendez, moi je suis sérieux, je peux vous tuer, etc. Et je suis un très très bon viseur. Il tire sur une vache et il lui casse la jambe. Et là, du coup, cette tous les humains. Trop belle. C'est très bizarre. Et il y a vraiment la jambe qui explose et la vache qui tombe, quoi. Et là, les humains, ils sont super inquiétants. Le mec, il peut tuer des vaches. Ça craint, quoi. On est dans la merde. Mais on dirait que c'est vraiment un bâton qui est parti. Oui. Quand même. Ah oui, c'est mal fait. La jambe, il y a un bâton qui fait ping. Et entre-temps, il y a eu la meuf de Johnny Goodboy qu'ils ont réussi à choper. Et ils lui ont mis un collier qui va exploser. Et puis ils lui ont dit si tu le fais pas, attention, on la tue. Hein. Et lui, ouais. Il fait non, mais je ne la connais pas. Et Terrell fait mais t'es pas assez évolué pour mentir. Donc tu dois dire la vérité, tu ne la connais pas. Bon, bref. Sauf qu'il lui a appris. Ben bref. Bon, ça c'est encore des incohérences. Mais c'est pas très grave, on aime c'est ça, les incohérences. Pas très grave. Dans les cages avec les humains, Johnny il sonne la révolte. Il dit c'est plus possible, on est dans la merde. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. J'ai un plan. Et il se coupe une mèche de cheveux qu'il donne à son collègue. Bon, je l'ai noté, je sais pas pourquoi. C'est une anecdote qui n'a aucune importance pour la suite, mais ça met longtemps. Je pense qu'il y a dû avoir un ralenti. Je sais pas pourquoi. On se retrouve au bar de nos amis les Psyclos. Oui. Avec Terrell qui a une meuf, donc meuf dans la vraie vie. Donc c'est Kelly Preston. Qui est hyper chelou, qui a une grande langue. C'est une scène qui sert absolument à rien, mais bon, c'est une pour une langue dire ça. Qui fait 40 cm, ouais, quoi, 50 cm. Et en plus, juste avant, notre ami John Travolta qui trouve un super dialogue en disant mais elle a d'autres qualités. Et là, elle fait avec la langue. Super. C'est très mignon. Bon, alors du coup, Terrell et Kerr, ils vont mettre un coup de pression aux dirigeants du coin, là, je sais pas comment, un mec qui a un quadruple menton. Les chefs de la mine. Ouais, le chef de la mine ou du dôme, là, enfin. Ouais. Voilà. Parce que John Travolta, c'est le chef de la sécurité, qui est quand même un poste très important, mais c'est pas le maire. Ça doit être le maire de la ville, je sais pas. C'est le maire de Denver, peut-être. Donc, ils lui foutent la pression pour qu'il signe un papier pour autoriser la mission, quoi, pour qu'il puisse envoyer les humains, parce que sinon, ça allait être compliqué, etc. Bon, il signe le truc. Et donc, Terrell va. Envoyer tous les humains. Alors avant ça, il apprend à Johnny à piloter un avion avec un simulateur de vol. C'est complètement raté parce que t'as plein de scènes où t'as Johnny qui se penche à droite, l'avion tourne à droite, penche à gauche. Et des fois, c'est inversé. Des fois, il se penche à gauche et l'avion tourne à droite. Ah, pas mal. C'est horrible. Quand tu le regardes, je crois qu'il y a plein de trucs qui marchent pas. Mais bon, bref. Donc maintenant, on sait aussi que Johnny Goodboy sait piloter. Oui. C'est pratique. C'est tout. Il sait tout. Là, je pense que là, globalement, il a à peu près toutes les infos. Oui. Et c'est parti, et il dit à Johnny, Terrell dit à Johnny, Johnny, t'as 14 jours, tu me remplis l'avion avec de l'or, sinon je tue ta meuf, etc. Ok, donc là, les humains, ils ont 14 jours pour tout mettre en place. Et en 14 jours, ils vont en faire. En 14 jours, ils arrivent à aller à Washington pour trouver des armes et des avions en état de marche. Après 1000 ans, c'est quand même gros coup de bol. Ils vont apprendre à voler, enfin à piloter, parce qu'il y a un simulateur de vol. Comme par hasard. Ça, c'est merveilleux aussi. Ils vont trouver une bombe nucléaire. Ils vont trouver des bombes nucléaires. Ils vont trouver comment les activer, etc. Ouais. Et apprendre le truc. Bon, ça, c'est pratique aussi, toujours en 14 jours. Mais il faut quand même qu'à un moment, ils donnent de l'or, tu vois. Et même s'ils ont laissé quelques humains sur place pour miner de l'or, ça va pas être suffisant. Du coup, ils se disent, allez, qu'est-ce qu'on a qu'à faire? On a qu'à aller dans une réserve nationale d'or. Donc, ils vont à Fort Knox. Donc les distances sont très très rapides, j'ai l'impression que les avions vont vite. Ils vont à Fort Knox, comme par hasard Fort Knox est resté ouvert, donc ils rentrent et puis ils prennent des lingots, quoi. Et puis ils remplissent l'avion avec les lingots, quoi. Comme ça c'est bon, tout va bien. Leur plan s'affine, hein, parce qu'effectivement quand ils trouvent la bombe atomique, ils disent « Ah mais si on arrive à l'envoyer sur la planète Psyclo, ça va la faire exploser, ils vont tous mourir, c'est peut-être pas mal ». Donc tout va bien, donc ça c'est très bien. Ils se retrouvent du coup 14 jours plus tard, donc au rendez-vous avec Terrell, ils lui disent « Regarde, c'est bon, on a de l'or ». Terrell leur dit « Ah, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Vous m'avez fait des lingots, vous avez pris le temps de fondre l'or et de faire des lingots, n'importe quoi ouais. ». Il réfléchit pas plus loin, tu vois, le mec, mais bon. Il se dit « Non, ça va. Bah, dans 7 jours, je veux tout le reste de l'or ». Ok, bon, bah, c'est pas grave. Et le soir même, du coup, Johnny, il se dit « Bon, bah là, c'est parti, quoi. Là, il faut lancer la révolte et reprendre la terre, donc champ de bataille ». Pour sauver aussi tous les autres humains, parce qu'eux, ils pourraient s'échapper, mais ils veulent sauver, Tout le monde. Ils veulent se débarrasser des planètes. Ils veulent sauver la planète. Ouais. Ouais, Terre, champ de bataille. Le titre, c'est important. Donc, le champ de bataille arrive, vous inquiétez pas. Mais entre-temps, nous avons notre ami Terrell qui... c'est Johnny d'abord qui va voir Kerr, donc Forest Whitaker, le collègue de John Travolta. Il va lui dire, mais tu sais, ton collègue, il va jamais te donner ta part de l'argent, en fait. Tu vas te faire complètement avoir. Ouais. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Et il s'en va. Et entre-temps, il lui a refilé les vidéos pour que Forest Whitaker mette la pression à John Travolta pour s'en sortir. Parce qu'il lui a redonné sa vidéo, lui il s'est autodénoncé, donc oui. Il l'a détruit. Et après il lui donne aussi une vidéo qu'ils ont tournée de John Travolta qui parlait de son plan maléfique. C'est ça. Voilà. Enfin, maléfique qui est quand même bien pété. Et là, donc on se retrouve au bureau où il y a Kerr qui fait le fanfaron et qui dit à John Travolta ah, « Mais maintenant, c'est moi qui ai le power, parce que c'est moi qui ai la vidéo, nanana. » Et puis, de toute façon, ta vidéo, ma vidéo, je l'ai fait en double et je l'ai donnée à quelqu'un, tu ne retrouveras jamais. Et comme ça, même si tu me tues, ça va balancer, tu vas tomber. Quoi. Et John Travolta, qui en jouant très très bien, il fait « Tu ne l'aurais pas donné au barman, par exemple ?» Et il sort d'une boîte la tête du barman qu'il a découpé. Qu'il a déjà tué, on ne sait pas vraiment. Mais ça nous donne une scène où il joue trop bien. Il fait « C'est le barman !» Bon, donc voilà. Donc, Kerr est encore dans la merde et Terle a repris le dessus. Puis après, Terle, il va aller planquer les lingots d'or dans un cercueil de je sais pas qui, peut-être un grand-père à lui qui est décédé, pour pouvoir ramener tranquillou le pognon sur sa planète d'origine. Et là, on attaque la dernière partie où c'est parti pour la libération de la Terre. Ouais. Tous les humains se faufilent, se planquent, se cachent, etc. Et puis, ça commence à canarder dans tous les sens parce qu'il y en a qui se font repérer, etc. On a tous les explosifs qui ont été posés sur le dôme, prêts à exploser, parce que le but, c'est ça, c'est de faire exploser le dôme pour que les Psychos soient asphyxiés. Et en même temps, il y a Mickey, un des humains, qui est prêt à être téléporté sur la planète Psycho avec une bombe nucléaire pour la faire exploser. Ouais. Tout va bien. Il y a un petit moment de flottement où tu te dis « Oh là, les humains sont en train de perdre du terrain », mais coup de bol, il y a en gros un escadron Top Gun avec des hommes des cavernes qui sont prêts à faire feu avec les avions qu'ils ont trouvés à Washington pour pouvoir flinguer du Psycho. Donc là, bim bam boum, j'ai noté bim bam boum, pam pam pam. Ouais, tu crois que c'est moche. À peu près ça. Dit c'est moche. Voilà. Très très moche. Il y a un moment, il y a un gros plan sur le mec qui tire en avion et puis il n'y a plus de munitions et il y a un gros panneau énorme avec écrit plus de munitions. Donc c'est quand même pas très pratique de mettre ça dans un avion. Ça prend beaucoup de place pour rien, mais bon. Le dôme explose, hurra, mais pas assez. Le dôme n'explose pas complètement. Du coup, notre ami Carlo, qui était en responsable de l'explosion du dôme, il dit « C'est pas grave, je vais y aller ». Il prend un avion, il se jette. Il jette l'avion sur le dôme pour finir d'exploser. Mais ça ne suffit pas non plus. C'est un petit peu long, mais voilà. Du coup, il voit des explosifs au loin. Donc, bam, il tire sur les explosifs pour faire exploser. Finalement, le dôme qui arrive enfin à exploser. Mais il meurt. Ça, je sais pas si on le voit après, on le revoit pas après. Non, Carlo. Je pense bon, que Carlo est mort. Donc. Il meurt dans l'espace. Je me suis un peu perdu à ce moment, mais. Ouais, c'est très confus. Et puis c'est pas le montage aide pas. Pendant ce temps-là, on a Johnny Goodboy qui se démerde pour faire téléporter Mikey. Il y a Turl qui vient le bloquer, etc. Nanana. Mais au final, ils arrivent à téléporter Mikey qui arrive sur la planète Psycho et qui fait exploser la bombe. La planète explose entièrement. Hein, vraiment, c'est très, très, très elle efficace. Elle disparaît en poussière. Ouais, en poussière violette un peu. C'est très, très beau. Ça et ça, donc planète Psycho, il n'y en a plus. Tant pis. C'est pas grave, c'est comme ça. Et sur Terre, le dôme a explosé, etc. Il y a Turl qui fout la pression à Johnny, qui dit « Donne-moi le reste de mon or, je me barre. Maintenant, j'ai bien compris que c'était fini, je me casse avec. Je vais tuer ta meuf. Ouais. » Il va pour appuyer sur le bouton pour faire exploser le collier de la meuf de Johnny Goodboy. Sauf qu'entre-temps, Johnny Goodboy, il avait récupéré ce collier, il l'avait collé sur le bras de Turl. Sans qu'il s'en rende compte. Et tout ça est très confus et très bizarre, mais c'est vraiment le cas. Donc Turl fait exploser son bras droit. Son vrai bras droit, hein, pas Forest Whitaker. Quoi. Non, son bras. Son bras, quoi. La suite à de. Droite. À droite, tout à fait. Donc, bim bam boum, John Travolta, pardon, perd son bras. Tout va bien, les humains ont gagné. Johnny embrasse sa meuf, etc. C'est merveilleux. Et on a le droit à une dernière scène absolument magnifique les humains ont capturé Turl et l'ont enfermé dans Fort Knox, au milieu de tous les lingots. Dans une cage au milieu des lingots, en lui disant « Ah, tu vois, tout l'or que tu voulais, et ben maintenant tu l'as, mais t'es plus libre. » Turl qui dit « Ah, pourquoi vous m'avez pas tué, machin, là, là. » Bon, bref, on s'en fout. Et John Travolta qui fait encore « Mais c'est bon, je suis bientôt libéré. Vas-y, tue-les !» Parce qu'en fait, Kerr, Forest Whitaker, apparaît derrière les humains. Et Turl, il se dit « Ah, vous êtes bien, je vous ai bien eu, il est encore là, mon collègue. » Et en fait, non, il s'avère que Kerr a passé un deal avec les humains pour être le Psycho en chef de plus aucun Psycho, puisqu'ils sont tous morts. Mais il va, il va aider les humains dans leur reconquête de la Terre. N'importe et donc, quoi. John Travolta, Turl, reste au milieu de son or dans Fort Knox. Et la caméra s'éloigne, fondu au noir, générique, film de merde. Waouh. Oh my God. Voilà, désolé, je pense que c'était trop long, ça ne méritait pas autant. Non, je ne pense pas. T'as tout dit, c'est bien. Après, je pense que j'ai tout dit. Oh là là là là là là là là. Voilà. Et alors ? Ah bah c'était nul. Ah putain. C'était bien nul. Hein. Ouais, c'est clair. Je pense vraiment, vraiment, rarement ça m'arrive de ne pas pouvoir être attentive à un film. Quoi. J'étais là, ah non, pitié, non, pitié, encore ça. Parce c'est même c'est... pas si... C'est pourri, mais c'est même pas trop... Il y a des pourris qui sont plus rigolos, quoi. Oui. Ben ouais, mais là, c'est... un pourri. Il n'y a pas grand-chose à sauver, en fait. Il n'y a rien qui marche, en vrai. Non. Les acteurs jouent tous très, très, très mal. Le montage est assez difficile à comprendre. Le scénario, bon, le scénario, ça, de toute façon, n'est pas rien, bon. Il y a trop d'incohérences. C'est moche. C'est hyper moche. Les effets spéciaux sont tout claqués. Les lumières, la photo, c'est, ça change toutes les deux secondes. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un abus des ralentis. Il y a des ralentis tout le temps pour rien. Et ouais. Les plans, les Dutch angles, les plans donc débulés un peu en diagonale. Ah, 45 degrés. Il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, ouais. Ça faisait partie des critiques. Hein. C'était ouais, qu'il n'y avait que ça. Et autant, normalement, tu vois, ça doit vouloir dire quelque chose. Tu le fais une fois ou deux, ça veut dire quelque chose. Là, si tu le fais tout le temps, ça ne veut plus rien dire. Bah, en fait, ils ont soupçonné peut-être qu'ils le faisaient, de mettre les directeurs de la photographie qui faisaient ces plans de traviole, quoi. Pour faire en sorte que les psychos ressemblent plus grands que les êtres humains. Mmh. Mais c'est... ça marche pas de toute façon. Et t'as même des fois, tu te dis... Mais en plus, c'est sur tous les plans, vraiment. Ouais, il y a des gens sur les dialogues, sur les champs contre champs, ils sont comme ça. Oui, c'est vrai. Et mais à l'inverse. Ouais, et ça change, et c'est hyper fatigant. Et t'as des plans, tu te dis, mais ça se trouve, le plan, il devait être bien cadré quand il était droit. Et après, ils ont dit, OK, ah, maintenant on le décale, on le met diagonal. Ouais. Et en fait, ça marche plus. C'est trop moche. Il y a plein de plans où tu as le personnage qui est coincé dans un coin de l'écran et tu dis il y a rien d'autre au reste. Enfin, c'est en termes de cadrage, c'est pas jojo. Hein. Et ben j'ai lu un super article avec plein de critiques et tout ça qui disait je vous propose un jeu à boire. Tu vois où tu bois de l'alcool à chaque fois qu'il y a un plan incliné. Ah ben c'est mort. Vous buvez. Dans 5 minutes, dit, tu peux pas quoi. C'est tenir. trop dessiné. Bon, si vous l'avez pas vu, vous avez envie de passer une soirée bourrachos. Ah ouais, c'est un bon je jeu. Je vous conseille de faire ça. Entre ça et à chaque incohérence du bois, je pense que de. Ouais. Et aussi plus. Les disparitions à les rideaux fondus, là. Ouais. Ah, les fondus en rideau voilà. Là, c'est. Parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Au début, tu dis mais qu'est-ce qu'ils ont fait là? Pourquoi ils ont fait ça? Et après, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Et en fait, à chaque changement des scènes, en fait, t'as un fondu adore, comme ça, rideau, années 80. C'est les fondus. Et c'est que les 2000, putain. C'est les fondus que tu fais quand tu t'amuses sur ton ordinateur à faire le montage de Tonton Roger. Quand t'as 8 ans. Ouais, voilà. Ou après, c'est dans Star Wars, il le fait un peu. Mais il le fait un peu. Tu vois. Ah, mais là, trop, c'est clairement. Oui. Il, je connais pas bien. Ils essayent de choper des références de partout, mais ça marche. Ah, c'est cata, c'est cata. Et c'est sur, cata. Sur les plans débulés, le réalisateur disait qu'il voulait que ça fasse comme un comic book. Du coup, il s'est dit, ah, quand un plan il est en diagonale, ça fait comic book. Je ne suis pas sûr qu'il ait lu ah ouais, beaucoup de comic book. Ah ouais, il a dit ça. Ouais, il a dit ça. My God. Bon, voilà, mais après, sinon, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. C'est mauvais. Bah après, mais, non, mais après, moi, je suis vraiment. T'as vraiment les trucs qui m'échoquent le plus, c'est vraiment les costumes, les accessoires. Ah oui, c'est vrai. Les cyclos, c'est horrible, mais pas horrible, juste terrifiant. Ils sont vraiment moches, quoi. Ouais. Ça n'a aucun sens. J'ai lu qu'ils étaient sur des échasses. Oui. Tous les comédiens, des 1m20. Quand même, c'est énorme comme échasses. Mais dans tous les films, ils ont des espèces de bottes géantesques, oui. Des dreadlocks, des tuyaux, les yeux jeunes. Mais oui, ils ont des lentilles et tout. Ils jouent hyper... C'est très poussé, quoi, les jeux aussi. Ouais, c'est hyper cabotinage, quoi. Ouais, mais c'est fait exprès, tu vois, pour qu'on représente comme ça les aliens, les cyclos. Et en plus, t'as des trucs, c'est que t'as en plan rapproché, leurs costumes, tout ça, sont très moches. Alors quand, quand tu les vois en pied, tu vois qu'ils ont du mal à marcher avec. En plus, ça leur fait des espèces de chaussures à talons immenses. Tu vois que c'est galère. Les mains, c'est pareil. Les poils. Ils ont des poils, des ongles, etc. Et des fois, sur certains plans, ils ont 5 doigts, des fois, ils en ont 6. Ah, j'ai pas vu ça. Et donc, t'as des scènes où tu vois, en fait, il y a des moments où tu vois, ils ont 6 doigts. Et en fait, tu vois lequel est rajouté, où il est vide parce qu'il pendouille un peu. Ah merde. Mais c'est que des trucs comme ça. C'est vraiment, Tu te dis, mais qui a supervisé ça, quoi? Justement, c'est que, parce que j'avais vu ça, du coup, on parle du réalisateur, oui. Du coup, Roger Christian, qui n'est pas un réalisateur à la base. Bon, en fait, non. Commençons du début. Oui. Tout commence quand Ron Hubbard, Ronald Hubbard, parce que j'ai oublié de le dire, mais c'est quand même Lafayette, LRH, donne son bouquin de 1982 à John Travolta, signé. Oui, c'est vrai. Et il lui dit, en gros, il le pousse à dire, ça serait trop bien d'en faire un film. Oui, ça faisait partie des envies de Ron Hubbard, c'est vrai. Ouais, depuis les années 80. Oui, s'il a sorti John en 82. Deux. John Travolta, à l'époque, il était un peu en décadence dans sa carrière. Oui. Donc, pendant des années, il essaie de démarcher, il n'y arrive pas. Pulp Fiction, Quentin Tarantino, Pulp Fiction, 1994. Et là, tout, il commence à avoir un peu plus de renommée, quoi, crédibilité. Ah, oui. Un peu de nomination aux Oscars, je crois, non? Ouais. Un truc comme ça. Ouais. Donc, il démarche parmi les plus gros boîtes de prod. Et personne ne veut ça. C'est bizarre. Déjà, d'une part, parce que j'ai cru lire que John Travolta aurait probablement dit que ces livres-là, c'était les Schindler List de l'année 3000. Mais oui. C'était un mélange astucieux entre la Guerre des Étoiles et la liste de Schindler. Ouais, j'ai lu cette liste de la science-fiction. Voilà, ouais. Il a dit ça. C'est osé. Tout le monde a un peu flippé parce que Ron Hubbard chante Scientology et tout ça, déjà ça commence quand même à être un peu la mode. Il tombe sur une boîte de prod qui s'appelle Franchise Production, qui déjà les logos, quand vous les voyez au début de film, il est raté. C'est trop moche. Et en fait, c'est un businessman qui a fait de l'argent avec les lavomatiques presque. Oui. Non, pas dry cleaning, c'est le... Oui, le lavage à sec. Lavage à sec. Oui, il avait des laveries. Le mec, il avait un empire de laveries. Et un nightclub qui avait trop marché. Du coup, il devait réutiliser de l'argent. Qui dit qu'il a fait un gros budget. Genre, ils avaient dit qu'ils avaient fait un budget de 75 millions, je crois, ouais. Pour récupérer de la thune. En réalité, ils ont donné beaucoup moins. Ils ont dû donner une quarantaine de millions. Ouais. 45, je crois. Ouais. C'était quoi? Dont 35, c'était... Non, 30, c'était pour payer les comédiens. Oui. Et il restait 10 millions du budget, oui. Qui n'était pas non plus énorme pour l'ambition qu'ils avaient. C'est ça, entre les costumes, les décors, les effets spéciaux. Ah, et toutes ces caméras penchées, il fallait les payer. C'est ouf. Roger Christian, du coup, le réalisateur qu'ils choisissent, c'est parce qu'il voulait s'inspirer de la science-fiction, George Lucas et tout, Star Wars, nouveau Star Wars et tout ça. George Lucas, bien sûr, il dit non. Ils avaient demandé en tout premier, je crois, c'est à Tarantino qui demande, qui dit non de suite, je pense, c'est pas compliqué. Merci. George Lucas, il dit non non plus, mais conseille les producteurs, les designers le chef de déco de Star Wars. De Star Wars, qui était quand même réputé à l'époque. Il a fait il a fait Alien. C'était quand même des trucs. Mais il a eu un Oscar Pour Star Wars. Mais t'imagines vraiment George Lucas se faire non, ça m'intéresse pas. Non, mais appelez Roger. Roger, il est cool. Il vous le fera le film. Ne vous inquiétez pas. Mais Roger Christian, qui était assistant de deuxième équipe sur certains Star Wars, je crois. Ouais, mais c'est ça. Enfin, un réalisateur deuxième équipe, mais c'est pas. Enfin, il fait des décors. Il sait faire des décors, mais c'est tout. Oui, mais tu dirais les décors, ils sont bien. Non, parce que c'est pas lui. Et du coup, c'est pas lui qui les a fait. Il les a pas fait. Du coup, il demande à un autre gars qui, encore à la rigueur, il était pas si mal que ça. Il avait fait quelques trucs. Mais il a pas les moyens. Il a pas l'argent. Le directeur de la photo, il dit qu'il a jamais eu un budget aussi faible de toute sa vie, un kit aussi réduit. Et il en part très peu de trucs et il a très honte, je pense. Pas beaucoup, à part Travolta, je crois que tout le monde a honte de ce film. Ouais. Y a que Travolta qui a essayé de le défendre pendant des années. Ouais, et encore. Après, les scénaristes. Donc au début, il y a. Il y en a. J.D. Shapiro là, qui en plus n'est pas, qui est un peu, qui est plutôt, qui avait écrit déjà Men in Tights, Robin des Bois. Oui, Sacré Robin des Bois, de Mel Brooks. Oui, quand même. Ouais. Tu vois, qui a commencé à écrire l'histoire. John Travolta lui a demandé de faire des modifications. Il a refusé. Ils ont appelé un autre gars qui n'avait rien fait jusqu'à là, Corey Mandel, Non, mais c'est quand même la cata, quoi. Quand il m'a dit, j'ai vu le film qu'il avait fait, il avait écrit un film avant, un film pour la télé, tu vois, qui s'appelle Love Kills. J'adore. C'est une nana qui a un amant, qui est mariée, qui a un amant, et l'amant lui dit que son mari a embauché, lui, l'a embauché pour la tuer, elle. Et elle demande au mari, et le mari dit, non, c'est pas moi. Et à qui elle va se fier? Bon, ils ont donné le scénario à ce type-là qui a fait tous les modifs que John Travolta voulait. De toute façon, après, il a disparu. De nouvelles. Oui. Et voilà. Et la boîte de prod a fait faillite après. Ils se sont fait gauler sur les fausses factures. Ils se sont fait attaquer par les fiscs. Oui. Non, pas par les fiscs. En fait, c'est l'autre boîte de prod qui mettait des thunes. Voilà. Ils disaient qu'il y avait des fausses factures et qu'en fait, ils s'étaient fait enfler. Ils ont donné trop par rapport au film et que du coup, ils voulaient l'argent en arrière. Bon, la boîte a coulé. Et mais le mec, mec qui a monté cette boîte de prod, il n'avait pas vraiment de vision artistique parce que ce qu'il racontait, c'est que lui, son objectif, c'était de repêcher les films que des acteurs voulaient faire, mais que les productions n'allaient pas faire. Les fétiches des acteurs. C'est ça. Mais si les boîtes de prod traditionnelles veulent pas le faire, il y a une bonne raison peut-être. Il faut peut-être les laisser mourir, ces projets. Et oui, mais ils se sont fait un petit marché des niches, tu vois. Ah bah oui, mais c'est clair. Mais après, tu regardes tout ce qu'il a fait, il n'y a rien qui... Je crois qu'il y a un autre des pires films de l'histoire du cinéma, c'est toujours eux qui l'ont produit. C'est possible, je pense qu'ils ont dû faire que ça. Après, c'est une niche, il y a moyen. Ouais. Bah, d'ailleurs, j'ai lu un autre article où il disait qu'ils ont fait une projection privée avec pas mal de gens du métier, tu vois. Ils ont invité George Lucas et Tarantino. Et que Tarantino, il s'est retourné à la fin du film, il a enlacé les réalisateurs et lui a dit « ça c'est exactement le film que je voudrais écrire. Pour l'instant, tout le monde va vous tomber dessous, vous allez vivre un enfer, donc oubliez ces films, mais dans 10-15 ans, ça se retournera à la situation. C'est les nanars parfaits, en gros. » Oui, mais c'est ça, mais pour Tarantino, ça doit le faire exploser. Et du coup, le mec, il a dit « ouais !» Il a dit « ça faisait un peu mal qu'il m'a dit ça, mais bon. » Quand même, il a aimé. Et George Lucas, apparemment, il a aimé ici. Ouais, mais après, George Lucas, moi, voilà. Il a fait parce que c'était ses potes. Quoi. Son pote, Roger Christian, c'était... Ouais, voilà. Ah. Le pauvre. Voilà. Ah, c'est horrible. Et après, quand on te dit, bon, là, vous allez vivre un enfer, ils vont vous tomber dessus sur tous. Donc, c'est fini, quoi. Mais dans 15 ans, peut-être. Peut-être, avec un peu de bol, ça ressortirait, sauf que ça ne marche pas. C'est quand même un nanar, quoi. Mais... Eh ben, un des producteurs de ce film, une des productrices, du coup, elle lit sa main. Je ne sais pas si tu avais eu cette info aussi. Mais elle a dit que c'est un des seuls films dont elle continue à faire des profits. Apparemment, ils auraient fait 150 millions de dollars de profits. Je pense que ça me paraît énorme. Ouais, 150 millions de dollars de profit. C'est énorme. Mais elle a dit ça. Ouais. Mais peut-être tu vois, là, ça fait déjà 20 ans, peut-être qu'il y a des projections, j'en sais rien. Non, je vois pas comment. Non. Parce que le box-office, il est pas énorme. Non, ils ont fait rien. Genre 2 millions, 3 millions. En mondial, ça fait 29 millions. Ouais, bon. Mais ce qui fait quand même deux fois moins que le budget. Ouais, c'est ça. Même le vrai budget, je veux dire. Ah là là. C'est impressionnant. Hein. Voilà. Pourquoi ça s'est passé aussi mal que ça. Et il n'y a vraiment personne qui l'a jamais défendu, à part Travolta. Très très vite, tout le monde s'est détourné de la chose. Hein, parce que... Travolta, il voudrait même le refaire. Si Travolta, à la base, il voulait en faire deux. Ah, parce que le bouquin est deux fois plus long. Oui, c'est et voulait, en fait, lui, il voulait faire une franchise. Une saga. Quoi, faire une saga sur deux, trois films, quoi. Ouais. C'est pour ça qu'il n'est pas mort. C'est pour ça qu'il ne meurt pas à la fin. À la fin. Mais même au tout début, quand il voulait faire le film, il devait faire le rôle de Johnny Goodboy. C'est que plus tard, comme il a un peu vieilli, et quand le film est vraiment rentré en production, il a dit « là, je ne peux plus faire ce rôle-là, donc autant que je fasse le rôle du méchant, ça peut être marrant. » D'ailleurs. Et d'ailleurs, Shapiro, il a écrit une lettre d'excuse sur le New York Post. Et il a dit que son scénario était plus sombre, plus, tu vois, avec une vraie histoire, avec des personnages qui étaient bien, quoi. Mais qu'il n'y avait pas un slow motion tous les deux minutes, des Dutch angles, Dutch tilts, ouais. les plans des travioles, des perruques à la Bob Marley et des bottes à la Kiss. J'ai bien créé ça. Mais c'est vrai que c'est... Et après, il a dit, par contre, dans la même lettre, il écrit, mais par contre, maintenant, avec un peu de recul en regardant, je suis bizarrement orgueilleux de ces films, Parce qu'entre tous les films de merde du cinéma, les miens, c'est les plus merdiques. Bah, non, mais c'est le genre de film où t'as que ça. Hein. Tu peux juste concourir pour être le plus mauvais film du monde. Ouais. Et c'est pas loin d'être vrai. En fait, c'est ça qui est flippant, c'est que ça se prend méga au sérieux. Tu vois, c'était quand même très très premier degré. Tu as du mal à voir. Mais souvent, c'est ça qui fait qu'un nanar marche. Enfin, ça devient vraiment un nanar parce que c'est le truc où tu vois que ça a été fait premier degré, mais ça marche pas, quoi. C'est chaud. C'est fou quand même. Putain, c'est fou. Parce que c'est quand même des gens plein de talents, tu vois. C'est pas forcément de. Ouais. Peut-être pas les scénaristes, mais. Bah, le deuxième, on le verra jamais, on le verra plus jamais. Donc. Non, lui, il a intérêt. Bah, c'est un mélange de plein de choses. De toute façon, c'est une production catastrophique. Ouais, c'est ça. Déjà, si tu montes une prod pour détourner de l'argent et qu'au final, t'en mets pas grand chose dans le film et que les mecs, ils font ce qu'ils peuvent et qu'il n'y a aucune coordination. Ouais, c'est chaud. Voilà. Ça a eu des récompenses après. Oui. C'est l'avantage. On fait un petit point. Allez, un petit Oscar. Point Oscar. And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes. Cette rubrique où nous, on... alors d'habitude c'est par rapport au film où il y a Tom Cruise parce que Tom Cruise n'a pas d'Oscar. Ouais. Et donc on regarde autour de lui, il y a toujours quelqu'un qui a un Oscar, tous sauf lui. C'est ça. Et dans ces films, on s'est un peu amusé à le faire quand même. Et quand même, dans ces films aussi. Hein. Mais après, peut-être qu'à force, dans tous les films, il y a des Oscars. Il y en aura forcément. Oui, sûrement. C'est logique. Bah, après, tu t'es dit, dans un gros nanar, pas forcément. Normalement, on devrait pas, quoi. Normalement, on devrait pas. Ouais, c'est qu'il y a des mecs qui ont eu des Oscars. Et ben, bah, on le disait tout à l'heure, et bah, il y a le réalisateur qui a eu un Oscar pour les production design, ou je sais pas. Pour les décors de Star Wars. De Star Wars. Et une nomination pour Alien. Ouais, pour Alien, ouais. Et après, notre ami Forrest Whitaker, avait déjà vu dans La couleur de l'argent, d'ailleurs. Tout à fait. Qui a eu un Oscar pour Les derniers Rois d'Écosse. Ouais. Voilà. John Travolta a eu 2 nominations. Ouais. Pauvre. C'est tout. Ah, ça m'a fait trop de la peine, John Travolta. Ah, mais il se fait... Ouais. Mais c'est... Il est coincé, hein, je crois. Il est bloqué. Et voilà. Il a beau avoir Tarantino qui lui a fait faire Pulp Fiction, il est bloqué. Mais merci Tarantino qui lui a fait faire Pulp Fiction. Ouais. Sinon, ça l'a sauvé, quoi. Oui, c'est clair. Sinon, tu t'arrêtes à Grise et après, c'est fini. C'est fou. Hein. Mais on ne peut pas parler que des Oscars. On n'est pas obligé. Non, parce qu'il y a aussi d'autres prix. Très prestigieux. Très prestigieux. Les meilleurs du pire. Ouais. Au Razzie Awards de 2001. Oui. Ils sont nominés pour 7 catégories, je crois. Ils ont. Peut-être 8 même. Je crois que c'est 8. Ouais, peut-être ils sont nominés pour 8, mais ils en ont que 7. Ils en ont que 7. Ils en ratent un. Qui est quand même énorme. C'est dommage. Ils ont le pire film de l'année. Pire acteur, John Travolta. C'est pas dur. Acteur principal. Le pauvre. Moi, je trouve pas. Pire couple à l'écran, John Travolta et tout acteur qui joue avec lui dans toutes les scènes. Ça, c'est vraiment méchant. Ça, c'est vraiment s'acharner. Mais... Ouais. Pire second rôle masculin pour Barry Pepper. Barry Pepper. Qui était très déçu de ne pas l'avoir su en avance, sinon il serait allé le chercher. Ah, il a dit ça. Ouais, notamment, je pense, pour exorciser le truc, c'était très, très mauvais. Et que tu te dis, au moins, je vais le chercher, comme ça, on n'en parle plus, quoi. C'est vrai que c'est bien d'aller le chercher. Pour terminer, tu y vas, quoi. Je crois que c'est Sandra Bullock qui a été le chercher la veille d'aller récupérer son Oscar. Genre, elle va chercher un Razzie et le lendemain, elle va chercher un Oscar. C'est marrant, tu vois. Elle était c'est trop forte, en plus. Non, j'ai vu la cérémonie. J'aime bien Sandra Bullock. Ça, c'est une bonne manière de répondre à ce truc-là, quoi. Et les mecs des Razzies, ils sont plutôt contents, du coup, je trouve ça plutôt cool. Oui. C'est potage, quand même, les Razzies. C'est pas... Oui, c'est la bonne franquette. C'est une blague d'air. Pire second rôle féminin pour la pauvre Kelly Preston. Qui fait 2 secondes d'apparition. La pauvre, je trouve que c'était un peu dur. Hein. Ouais, mais c'est le seul rôle féminin quasiment. Il y a la meuf. Il y a la femme de Johnny Goodboy, qui est encore plus mauvaise. Et oui, elle aurait pu gagner, tu vois. Je pense que c'était un acharnement. Là, c'était vraiment l'acharnement sur John Travolta et donc sur sa femme. La scientologie. Là, je trouve un peu abusé à dire Bird, je trouve. Et pire réalisation, là, on peut pas trop y échapper. Hein. Ouais, non, là, c'est avec ce. Non, ça va pas. Non, ça marchera pas. Pire scénario. Ouais, oh, c'était pas dur. Ouais. Et voilà. Et il y a Forest Whitaker qui était aussi nommé pour pire second rôle, mais comme il y a Barry Pepper déjà, il pouvait pas l'avoir. Ah oui, voilà, c'est ça. C'était lui, les huitièmes, je me demandais. C'est vrai que Whitaker aussi, il joue très très mal. Ah bah oui. J'ai un peu halluciné quand même à quel point. Ah, mais il n'y a rien qui y va, donc. Mais c'est trop la cata, ces films, vraiment. Et après, ils ont eu un autre Razzie Award plus tard, sur le film, Battlefield, a été élu le pire film de la décennie. Ah oui, ils ont fait pour les en 2010, ils ont fait les pires Razzie de la décennie, et Battlefield était le pire film de la décennie. C'est ouf. Ouais. Parce que j'avais vu aussi... Naufrage. Ouais, naufrage, mais c'était trop les naufrages, c'est trop horrible, quoi, les pauvres. Ouais. Ah, donc, ça me fadait la peine, quand même. Donc, heureusement que Tom Cruise n'était pas dedans. Oui, voilà, parce qu'on se disait, mais Tom Cruise... en fait, Tom Cruise, il a même dit à au scientologue que c'était une très, très mauvaise idée de tourner ses films. Il avait déjà vu l'ampleur du truc et a dit, mais non. Il avait même prévenu la Warner en disant, ne distribuez pas ce film, ne faites pas ça, quoi. Parce que ça va ruiner les RP... RP ? Non. L'opinion publique aussi, tu vois, c'est quand même intimement lié à la scientologie, même si c'est pas vraiment sur la religion, mais c'est un texte de Hubbard qui est un texte religieux, forcément, aux États-Unis. Ouais. Et donc, voilà, c'est pas la bonne presse, quoi. Non, mais il y avait, j'écoutais une interview de Marty Radburn, un des anciens de la scientologie, qui racontait comment David Miscavige s'est beaucoup, beaucoup mêlé de la production du film. Donc David Miscavige, qui est le chef de la scientologie moderne aujourd'hui. Ouais, et qui a du coup discuté beaucoup avec Travolta, retouché des trucs, donné beaucoup, beaucoup d'infos en sous-marin, en fait. Ouais. Et qui apparemment était persuadé que ça allait être super, quoi. Vraiment. Il adorait ce film, il trouvait ça génial. En plus, c'était une des envies de Ron Hubbard. Lui, il était comme un fou, il disait on va concrétiser une de ses envies, etc. Et quand le film sort et qu'ils se font défoncer, eh ben, premier truc qu'il fait, il dit il dit à Travolta, t'as fait n'importe quoi, c'est de la merde, etc. Il le défend plus du tout, il a rien défendu. Les bâtards. Ouais. Pardon. Bah oui, non, mais c'est ça un peu. C'est quand un même, peu, Travolta, tu vois, lui, il s'y est donné. Et puis il a cru jusqu'au bout. Il y croit. Il a fait la promo et tout. Il a fait 20 ans à démarcher pour pouvoir faire ce film. Il s'est ruiné. Il a mis de l'argent aussi, parce qu'il a mis 5 millions, je crois, de sa poche. Ouais, et puis il a réduit son salaire à 10 millions au lieu de 30. Ouais. En se disant, comme ça, je récupérerai des sous sur ce qui va rentrer. Sauf qu'il n'y a rien qui rentre, quoi. Non, mais c'est fou quand même. Il s'est ruiné. Mais au moins, il y a cru, tu vois. Moi, je ne voudrais pas les punir autant, tu vois. C'est pour ça que j'en veux un peu aux Razzie Awards. Ouais, bah après, les Razzies, c'est aussi dans l'air du temps. Si ça fait bien, si c'est bien de taper sur Battlefield, tu vas taper sur Battlefield. Ouais, quoi. Faut pas normal. Chercher. C'est leur rôle aussi, tu vois. Mais après, oui, c'est vrai qu'au final, comme c'est le seul qui y croit et qui va le défendre jusqu'au bout, bah, c'est Travolta qui prend tout, quoi. C'est un peu triste. Alors que, voilà, c'est pas que sa faute. Non. En plus, il joue mal, mais il joue très mal. Si, il joue très mal. Non, tu peux pas lui chercher des excuses. Non, là, du coup, amusez-vous, tapez sur Internet des extraits et vous allez voir, il y a la scène où il gueule qu'il a été formé pour conquérir des galaxies. Enfin, c'est impressionnant comment c'est pas logique. Enfin, on peut pas jouer comme ça à aucun moment, en fait. Même si t'es un alien, ça peut pas marcher. Enfin, ou alors, en tout cas, faut introduire des trucs. Il y a trop de manque d'introduction sur tout ça. On peut pas accepter. C'est très loin, quoi. Après, j'avais lu aussi une critique qui disait c'est vraiment les aliens les plus stupides de l'histoire du cinéma, quoi. Ils sont vraiment débiles. Ah ben ouais. Ils ont rien compris aux humains. Ah, ils ont un cerveau et tout. Lui, qui est quand même les plus brillants des Cyclos, il nous le présente comme ça. Il n'a rien compris aux humains. Ils n'ont pas compris que les chiens... Ils ont dit il y a une photo des chiens à un moment donné. Les chiens les plus intelligents sur Terre que les humains. Ils disent, ah, les chiens, il a un chauffeur. Ça veut dire que ça doit être la race. C'est drôle. Oui. Mais en réalité, ils sont trop débiles, quoi. Ils se font voler leurs armes tous les deux secondes. Il y a des vieux avions, des millénaires plus tôt. Putain, ils se font tout défoncer par des armes qui ont été créées 1000 ans par un peuple sous-évolué. Qui a déjà été battu. C'est vraiment débile. Il y a Fort Knox qui est à deux pas. Ils n'ont même pas vu ça. Non, mais ils sont vraiment... Oui, non, mais comment ils ont pu être les chefs du monde entier, quoi. Ah, mais c'est qu'il y a eu un gros blackout. En 2000, les gens sur Terre n'étaient pas en forme. il y avait les bugs, d'ailleurs. C'était ça. Mais il y avait une des critiques qui disait le bug de l'an 2000, c'est ce film. En fait, c'est pas... Alors, les critiques, c'est très drôle, quand même. J'ai vu des petites... bribes, c'est quand même super. Les gens, ils sont vraiment déchaînés. Bah, tant qu'à faire. Là, ils ont fait une anthologie, vas-y, on y va, pour une fois qu'on peut critiquer un film. Et j'ai bien aimé le nouvel observateur qui a écrit « Les films aussi excitants qu'un papier gras sous la pluie ». Ça me fait trop rire. Putain, bien trouvé, quoi. Ouais. Après, le New York Times qui a dit « Il est peut-être tôt pour parler, pour porter un tel jugement, mais Battlefield Heart risque de se relever les plus, révéler les plus mauvais films du siècle. » En l'an 2000, tu vois. Ben oui. Bim. Oui, mais c'est pas... Et ils n'avaient pas tort, finalement. Ouais, je pense. Ah, pauvre. Non, mais ça me fait vraiment de la peine. Je sais pas, John Travolta, ah, bah, me... tu le oui. vois, là. Ah. Ouais, mais bon, c'est comme ça. Hein. Ouais. Il y avait eu, tu sais, sur, on en discutait tout à l'heure, sur, il y avait, quand c'est sorti, il y avait toute l'image de la scientologie autour. Le truc de, ah, ça se trouve, il y a des images subliminales dans le film de la scientologie, quoi. Et alors qu'il n'y en a pas, en fait. Enfin, clairement, il y a un des critiques, du coup, qui est pour faire une blague, et dit si, il y en a dedans. Moi, je sais qu'au bout de 10 minutes du film, j'entendais une voix qui disait sors de la salle, sors de la salle. C'est con, cool, ça. Et ouais, voilà. Mais moi aussi, au bout de 10 minutes, je me suis un peu. Oui, sauf que tu étais chez toi, donc tu n'allais pas sortir. Non, mais tu es un peu là. Éteins cette cassette. Mais non. Ah, c'est nul. Hein. Après, il y a quelques scènes à voir quand même. Je pense qu'il y a la scène quand même de la vache que tu as citée. Je trouve que c'est vraiment une scène, tu peux la trouver sur Internet, je pense. Et après, il y a la scène. Il y a quelques effets sur toute la bataille. Tu vois des effets trop chelous. Vraiment, ça fait vraiment années 80 quand même. Ouais. Et on est dans les 2000. Non, mais après, c'est rigolo. Quoi. C'est rigolo à voir. Après, c'est pénible parce que c'est long, en fait. Ça dure 2 heures. Non, mais tu tapes sur YouTube. Mais c'est quand même assez surprenant à voir comme un naufrage comme ça, quoi. En fait, ouais. Un film qui est vraiment pas maîtrisé du début à la fin. Il n'y a rien de maîtrisé. Ouais. C'est assez fascinant. Enfin, moi, j'aime bien. Je suis assez fasciné par ce genre de film. Même si c'est pénible à la longue, ouais. Parce que tu as toujours forcément un énorme creux. Il durerait qu'une heure, ça irait, tu vois. Oui. Mais non. Bah, après, tous les moments de John Travolta, par exemple, moi, ça passait vite. Mais oui, les moments bah après, avec l'autre, avec l'héros avec humain. Ah oui, mais parce qu'en plus, il a une scène sur deux où c'est du ralenti. Franchement, toutes les scènes au ralenti, tu les remets en normal. Déjà, tu gagnes un petit peu. Je pense que tu gagnes un petit quart d'heure. Ouais, carrément. C'est vrai qu'ils abusent. Ah, quel cata. Ah, c'est pas terrible. Bon, on va pas faire des cruzomètres parce que Tom Cruise. Non, il n'y a pas Tom Cruise. Merci Dieu, il s'en est sorti très bien de cette histoire. Peut-être, est-ce que. J'ai pas vraiment des questions du jour. Bah, mais par contre, j'ai une autre anecdote. Ah. La fameuse Léa Remini, oui. Qui est sortie de la Scientologie, qui était depuis bébé, et elle a grandi. Bah, pas bébé, mais depuis ses 7 ans jusqu'à ses 40 ans, disons, à peu près, à la louche. Et elle raconte que tous les scientologues, ils doivent écrire des rapports sur d'autres scientologues. Quand tu vois, tu sors en soirée avec un autre scientologue, mais sur ta propre mère, ton père, ah, machin, oui, truc. T'inquiètes sur les autres scientologues que je croise. Tu caftes, quoi. Tu dis, non, mais lui, il n'est pas un bon scientologue. Mais tu le fais pas forcément pour lui faire du mal, mais parce qu'il est inquiet, qu'il n'est pas en train de sauver son âme et tout. Tu vois, c'est déguisé comme ça. D'accord. Et elle dit que quand Battlefield Heart, il est sorti, elle a écrit un rapport sur John Travolta en disant qu'il n'était pas un bon scientologue et qu'il ne fallait absolument pas faire ce film et que là, c'était mauvaise pub. Elle a dit, je l'ai fait même pour Tom Cruise. Oh merde. C'est fou quand même. Tu dis, il y a des gens qui, du coup, des scientologues. Et je pense que quand Tom Cruise dit qu'il en a parlé à la scientologie, peut-être qu'il n'a pas fait un rapport. Parce que lui, il va avoir direct le chef. Mais il va avoir Miscavige. Voilà. D'accord. Donc, dernière anecdote sur cette femme que j'aime bien. Eh bien, est-ce que tu aurais des recommandations? Ouais, j'ai une recommandation qui est toute trouvée. Enfin, qu'est-ce que tu trouves ? Non, mais c'est si on aime bien ce genre de film un peu mauvais et qu'on a encore un peu de courage après avoir vu Battlefield, on peut regarder P-51 Dragon Fighter. C'est ça. C'est... Ouais, rien que le titre, déjà, c'est bizarre. Ouais. Il y a une période, il était sur Netflix. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. C'est vrai ? Ouais. Et c'est vraiment pur nanar, quoi. C'est réalisé par Mark Atkins, qui est un mec qui fait que des nanars comme ça. Okay. Je pense que sa seule compétence dans la vie, c'est de savoir faire des dragons en effets spéciaux. Parce qu'il a que des films avec des dragons, quasiment. Genre les dragons à l'université, les dragons nazis, enfin tout ça. Et donc, P-51 Dragon Fighter, le principe, c'est que l'Allemagne nazie, enfin les nazis, sont dans la merde dans les conflits en Afrique du Nord. Mais ils ont une arme secrète, c'est qu'ils ont des dragons. Mais non! Donc c'est des dragons, tu vois, très très grands, avec des grandes ailes. Et sur leurs ailes, ils ont des croix gammées qui sont tatouées. Oh là. Ça, c'est vraiment le pitch, quoi. Et après, il y a des Américains qui ont une base là-bas, qui vont réussir à se battre en mode Top Gun pour aller flinguer les dragons. Et avec, tu sais, la réalisation toute pétée où tu les vois dans le cockpit, mais où tu vois le cockpit en carton qui bouge. Tu vois des incrustations derrière qui marchent pas. Enfin, et tout est mauvais, tu vois. Les décors sont vides parce qu'en fait, ils ont pas de thunes. Donc, les décors sont qu'à moitié faits. Donc, t'as que des demi-maisons partout. Et t'as trois figurants que tu vois tout le long du film en fait parce qu'ils en ont que trois. Ils ont, tu vois, c'est genre t'es une scène de marché en plein jour. Tu vois que ça a pas marché parce qu'ils avaient pas assez de figurants, donc ils font un filtre bleu, hop, nuit américaine. En fait, c'est un marché de nuit et c'est pour ça qu'il y a plus grand monde quoi. Et tout est comme ça. Et ça joue mal, c'est mal écrit. Enfin, et c'est vraiment fascinant aussi dans le genre. Donc P-51 Dragon Fighter, c'est trop bien. C'est ma recommandation nanar de la journée. J'espère qu'il y a encore sur Netflix. Je vous le souhaite. Ah, toi, est-ce que t'as recommandé un truc pour un peu remonter le niveau? Non. Pas plus, bon, c'est pas nanar comme ça, mais moi, c'est toujours le même type de recommandation. De toute façon, c'est années 80 trash américain. Donc, cette fois-ci, je vous propose un film avec John Travolta. Parce qu'un truc qu'on n'a pas dit, c'est que la plupart des comédiens de ces films, c'est des scientologues. Oui, c'est vrai. Bah oui, Whittaker, Barry Pepper, tout ça. Tu m'as dit, mais je ne savais pas, moi, Whittaker. Ouais. Et le héros, Johnny, là, Barry Pepper, ouais, John Travolta et tout ça. Sa femme. Kelly Preston. Bien sûr. Et du coup, il a fait un autre film avec un autre scientologue, John Travolta. Alors, oui. Je ne sais pas si c'est je ne suis pas sûre 100% qu'elle soit scientologue. Ce n'est pas confirmé 100%. Mais il y a des soupçons comme ça qu'elle soit scientologue. Il y a des gens qui disent. Je n'ai pas vu concrètement des entretiens. Tu n'as pas vu sa carte de la scientologie ou tu n'as pas accès à son dossier secret à la scientologie. Et elle s'appelle Chris. Mince, je ne me rappelle plus. Bah, les films, c'est Allô maman, c'est moi bébé. Un truc comme ça, vous voyez. Oui, d'accord. Oui, je vois ce film. Il y a cette comédienne qui était très très connue dans les années 80, qui avait fait les deux parents. Ah mince, les films avec les deux jumelles qui essaient de réunir. Alors, moi, j'ai Kirstie Alley. Voilà. Kirstie Alley. Ouais. Je pense que c'est Kirstie Alley. D'accord. Allô maman, ici bébé en français. Voilà, allô maman, ici bébé. En anglais, look who's talking. Ouais. Et c'était un de mes films. En fait, je l'ai retrouvé hier en cherchant des recommandations par hasard. J'ai vu la bande-annonce et j'étais là. Mais plein de souvenirs, je te jure, je l'avais vu tellement de fois. Mais... Et en fait, c'est un bébé qui parle pas, on entend ses pensées. D'accord. Et la personne qui fait la voix du bébé, c'est Bruce Willis quand même. D'accord. Okay. Et il y a elle qui est enceinte de ses bébés. On l'entend parler déjà dans son ventre, tu vois, dans les fœtus, dès qu'il naît, jusqu'à qu'il devient grand et ne part jamais en tant que bébé. Oh, et il s'est lié un peu d'amitié avec John Travolta, qui est le mec du taxi qui l'amène à l'hôpital. Et il y a peut-être une petite histoire d'amour. D'accord, une rom-com mélangée avec Vice-Versa de Pixar dans un bébé, avec John Travolta et la voix de Bruce Willis. Et la voix de Bruce Willis, okay. Que je trouve c'est trop drôle. Je pense que c'est un pitch qui est un peu excitant comme ça, tu vois. Moi, je serais auditeur, ça me donnerait presque envie, tu vois. Bah, moi, j'ai envie de le revoir. Parce que j'ai vu des scènes et j'ai vu la bande-annonce. Ouais. J'ai dit, mais non, mais je me rappelle trop de cette scène. Je pense que tous les enfants des années 80, ils l'ont vu. Ouais, je me rappelle pas, mais j'ai dû le voir. Mais d'accord, putain, génial. Allô maman, ici bébé. Voilà. Trop cool. Des nanas scientologues à nanas scientologues. C'est clair. Je pense que ça a participé à la chute de John Travolta. Quoique, ils en ont fait deux ou trois, je crois, après, à la suite de ces films. Je sais pas. Après, il a passé plus de temps aux Razzie Awards qu'ailleurs. Ah, pauvre. Ah. Après, c'est devenu une cible, je pense, pour les Razzie. Mais oui, c'est ça, c'est trop triste. Bah, il est scientologue affiché pour les Razzie. C'est triste, quand même. Ça me fait de la peine. Et oui. John, nous on t'aime. Moi je t'aime. Comme ça. Non, lui, Paulin, il ne se prononce pas. Je ne me prononce pas. Bref. Eh bien, on est arrivé, je crois, à la fin. Oui. Il y a d'autres choses à rajouter. Oh non, je crois qu'on est pas mal. Alors, nous vous disons. On se revoit. Alors, on ne sait pas exactement si dans nos semaines. Je crois qu'on va se revoir quand même dans nos semaines. Oui. Enfin, on a encore des doutes sur la. On va parler, vous allez écouter. On est encore un peu incertain sur la suite. On a peut-être un épisode. Un chantier, mais on ne sait pas trop. Bah, peut-être, ce qu'on essayait déjà la dernière fois, on va peut-être faire un live si on arrive à réunir les. les conditions. Les conditions pour pouvoir faire le live, voilà. Pour pouvoir clore définitivement ces années 90. Ces années 90. Et si vraiment on n'y arrive pas, c'est ce qu'on disait, on attaquera la troisième saison sur les années 2000. Avec Magnolia. De Paul Thomas Anderson. Tout à fait. Et en tout cas, on se voit, on se réécoute, on se retrouve dans 2 semaines. Et en attendant, nous remercions PodCloud qui fait un super travail d'hébergement et de promotion du podcast indépendant. Bah oui, c'est sympa. C'est bien. Et après, vous nous retrouvez sur toutes les plateformes. Ah oui, j'ai oublié de dire, les sites sur lesquels on est, c'est cruisecontrol.card.co. Donc, CA2RD.co. Vous nous suivez sur Instagram, Twitter, machin truc. Ah, les trucs, c'est @cruisometer. Et vous parlez de nous si cet épisode vous a plu. Si vous avez pas plu, vous allez écouter les épisodes avec Tom Cruise. Ils sont vachement mieux, je crois. Et sinon, vous mettez des cœurs, des étoiles, des thumbs up. Et des bisous. Bah ouais, des bisous. Bah oui.